Chapitre 6. Des esprits de ténèbres. Les dieux du polythéisme, à peu près égaux en puissance, partageaient les mêmes haines et les mêmes amours. S'ils se trouvaient quelquefois opposés les uns aux autres, c'était seulement dans les querelles des mortels. Ils se réconciliaient bientôt en buvant le nectar ensemble. Le christianisme, au contraire, en nous instruisant de la vraie constitution des êtres surnaturels, nous a montré l'empire de la vertu éternellement séparé de celui du vice. Il nous a révélé des esprits de ténèbres machinant sans cesse la perte du genre humain, et des esprits de lumière uniquement occupés des moyens de le sauver. De là un combat éternel dont l'imagination peut tirer une foule de beauté. Ce merveilleux, d'un fort grand caractère, en fournit ensuite un second, d'une moindre espèce, à savoir la magie. Celle-ci a été connue des anciens, mais, sous notre culte, elle a acquis, comme machine poétique, plus d'importance et d'étendue. Toutefois, on doit en user sobrement, parce qu'elle n'est pas d'un goût assez pur. Elle manque surtout de grandeur, car, en empruntant quelque chose de son pouvoir aux hommes, ceux-ci lui communiquent leur petitesse. Un autre trait distinctif de nos êtres surnaturels, surtout chez les puissances infernales, c'est l'attribution d'un caractère. Nous verrons incessamment quel usage Milton a fait du caractère d'orgueil donné par le christianisme au prince des ténèbres. Le poète, pouvant en outre attacher un ange du mal à chaque vice, dispose ainsi d'un essaim de divinités infernales. Il a même alors la véritable allégorie, sans avoir la sécheresse qui l'accompagne. Ces esprits pervers étant en effet des êtres réels, et tels que la religion nous permet de les croire. Mais si les démons se multiplient autant que les crimes des hommes, ils peuvent aussi présider aux accidents terribles de la nature. Tout ce qu'il y a de coupable et d'irrégulier dans le monde moral et dans le monde physique est également de leur ressort. Il faudra seulement prendre garde en les mêlant aux tremblements de terre, aux volcans ou aux ombres d'une forêt, de donner à ces scènes un caractère majestueux. Il faut qu'avec un goût exquis, le poète sache faire distinguer le tonnerre du Très-Haut du vain bruit que fait éclater un esprit perfide. Que le foudre ne s'allume que dans la main de Dieu, qu'il ne brille jamais dans une tempête excitée par l'enfer, que celle-ci soit toujours sombre et sinistre, que les nuages n'en soient point rougis par la colère et poussés par le vent de la justice, mais que leurs teintes soient blafardes et livides comme celles du désespoir, et qu'ils ne se meuvent qu'au souffle impur de la haine. On doit sentir dans ces orages une puissance forte seulement pour détruire. On y doit trouver cette incohérence, ce désordre, cette sorte d'énergie du mal qui a quelque chose de disproportionné et de gigantesque, comme le chaos dont elle tire son origine. Chapitre 7. Des saints. Il est certain que les poètes n'ont pas su tirer du merveilleux chrétien tout ce qu'il peut fournir aux muses. On se moque des saints et des anges, mais les anciens eux-mêmes n'avaient-ils pas leur demi-dieu? Pythagore, Platon, Socrate recommandent le culte de ces hommes qu'ils appellent des héros. Honore les héros pleins de bonté et de lumière, dit le premier dans ses vers dorés. Et pour qu'on ne se méprenne pas à ce nom de héros, Hiéroclès l'interprète exactement comme le christianisme explique le nom de saint. Ces héros pleins de bonté et de lumière pensent toujours à leur créateur et sont tout éclatants de la lumière qui rejaillit de la félicité dont ils jouissent en lui. Et plus loin, héros vient d'un mot grec qui signifie amour, pour marquer que, plein d'amour pour Dieu, les héros ne cherchent qu'à nous aider à passer de cette vie terrestre à une vie divine et à devenir citoyens du ciel. Les pères de l'Église appellent à leur tour les saints des héros. C'est ainsi qu'ils disent que le baptême est le sacerdoce des laïcs et qu'il fait de tous les chrétiens des rois et des prêtres de Dieu. Et sans doute ce sont des héros, ces martyrs, qui, domptant les passions de leur cœur et bravant la méchanceté des hommes, ont mérité par ses travaux de monter au rang des puissances célestes. sous le polythéisme, des sophistes ont paru quelquefois plus moraux que la religion de leur patrie. Mais parmi nous, jamais un philosophe, si sage qu'il ait été, n'a pu s'élever au-dessus de la morale chrétienne. Tandis que Socrate honorait la mémoire des justes, le paganisme offrait à la vénération des peuples des brigands dont la force corporelle était la seule vertu et qui s'étaient souillés de tous les crimes. Si quelquefois on accordait l'apothéose au bon roi, Tibère et Néron avaient aussi leurs prêtres et leurs temples. Sacrés, mortels, que l'Église de Jésus-Christ nous commande d'honorer, vous n'étiez ni des forts ni des puissants entre les hommes. Nés souvent dans la cabane du pauvre, vous n'avez étalé aux yeux du monde que d'humbles jours et d'obscurs malheurs. N'entendra-t-on jamais que des blasphèmes contre une religion qui, déifiant l'indigence, l'infortune, la simplicité et la vertu, a fait tomber à leurs pieds la richesse, le bonheur, la grandeur et le vice? Et qu'ont donc de si odieux à la poésie ces solitaires de la Thébaïde, avec leurs bâtons blancs et leurs habits de feuilles de palmier? Les oiseaux du ciel les nourrissent, les lions portent leurs messages ou creusent leurs tombeaux. En commerce familier avec les anges, ils remplissent de miracles les déserts où fut Memphis, Horeb et Sinaï, le Carmel et le Liban, le torrent de Cédron et la vallée de Josaphat. Redisent encore la gloire de l'habitant de la cellule et de l'anachorète du rocher. Les muses aiment à rêver dans ces monastères remplis des ombres d'Antoine, de Pacôme, de Benoît, de Basile. Les premiers apôtres prêchant l'évangile aux premiers fidèles dans les catacombes ou sous le dattier de Béthanie n'ont pas paru à Michel-Ange et à Raphaël des sujets si peu favorables au génie. Nous tairons à présent, parce que nous en parlerons dans la suite, ces bienfaiteurs de l'humanité qui fondèrent les hôpitaux et se vouèrent à la pauvreté, à la peste, à l'esclavage, pour secourir des hommes. Nous nous renfermerons dans les seules écritures, de peur de nous égarer dans un sujet si vaste et si intéressant. Josué, Élie, Isaïe, Jérémie, Daniel, tous ces prophètes enfin qui vivent d'une éternelle vie, ne pourraient-ils pas faire entendre, dans un poème, leur sublime lamentation ? L'urne de Jérusalem ne se peut-elle encore remplir de leurs larmes ? N'y a-t-il plus de saules de Babylone pour y suspendre les harpes détendues ? Pour nous, qui à la vérité ne sommes pas poètes, il nous semble que ces enfants de la vision feraient d'assez beaux groupes sur les nuées. Nous les peindrions avec une tête flamboyante. Une barbe argentée descendrait sur leur poitrine immortelle, et l'esprit divin éclaterait dans leurs regards. Mais quel essaim de vénérables ombres, à la voix d'une muse chrétienne, se réveille dans la caverne de Mambré. Abraham, Isaac, Jacob, Rebecca, et vous tous, enfants de l'Orient, rois, patriarches, aïeux de Jésus-Christ, chantez l'antique alliance de Dieu et des hommes. Redites-nous cette histoire chère au ciel, l'histoire de Joseph et de ses frères. Le cœur des saints rois, David à leur tête, l'armée des confesseurs et martyrs vêtus de robes éclatantes, nous offrirait aussi leur merveilleux. Ces derniers présentent au pinceau le genre tragique dans sa plus grande élévation. Après la peinture de leurs tourments, nous dirions ce que Dieu fit pour ses victimes. Et le don des miracles dont il honora leur tombeau. Nous placerions auprès de ces illustres cœurs les cœurs des vierges célestes, les Geneviève de Brabant, les Pulchéry, les Rosalie, les Céciles, les Lucile, les Isabelle, les Eulalie. Le merveilleux du christianisme est plein de concordances ou de contrastes gracieux. On sait comment Neptune, s'élevant sur la mer, d'un mot, calme les flots. Nos dogmes fournissent un autre genre de poésie. Un vaisseau est prêt à périr. L'aumônier, par des paroles qui délient les âmes, remet à chacun la peine de ses fautes. Il adresse au ciel la prière qui, dans un tourbillon, envoie l'esprit du naufragé au dieu des orages. Déjà l'océan se creuse pour engloutir les matelots. Déjà les vagues, élevant leur triste voix entre les rochers, semble commencer les chants funèbres. Tout à coup, un trait de lumière perce la tempête. L'étoile des mers, Marie, patronne des mariniers, paraît au milieu de la nuit. Elle tient son enfant dans les bras et calme les flots par un sourire. Charmante religion qui oppose à ce que la nature a de plus terrible, ce que le ciel a de plus doux. Aux tempêtes de l'océan, un petit enfant et une tendre mère. Chapitre 8. Des anges. Tel est le merveilleux qu'on peut tirer de nos saints, sans parler des diverses histoires de leur vie. On découvre ensuite dans la hiérarchie des anges. Doctrine aussi ancienne que le monde. 1000 tableaux pour le poète. Non seulement les messagers du Très-Haut portent ces décrets d'un bout de l'univers à l'autre, non seulement ils sont les invisibles gardiens des hommes, ou prennent, pour se manifester à eux, les formes les plus aimables, mais encore la religion nous permet d'attacher des anges protecteurs à la belle nature, ainsi qu'aux sentiments vertueux. Quelle innombrable troupe de divinités vient donc tout à coup peupler les mondes ? Chez les Grecs, le ciel finissait au sommet de l'Olympe, et leur dieu ne s'élevait pas plus haut que les vapeurs de la terre. Le merveilleux chrétien, d'accord avec la raison, les sciences et l'expansion de notre âme, s'enfonce de monde en monde, d'univers en univers, dans des espaces où l'imagination, effrayée, frissonne et recule. En vain les télescopes fouillent tous les coins du ciel, en vain ils poursuivent la comète au-delà de notre système. La comète, enfin, leur échappe. Mais elle n'échappe pas à l'archange, qui la roule à son pôle inconnu, et qui, au siècle marqué, la ramènera par des voies mystérieuses jusque dans le foyer de notre soleil. Le poète chrétien est le seul initié au secret de ces merveilles. De globe en globe, de soleil en soleil, avec les séraphins, les trônes, les ardeurs qui gouvernent les mondes, l'imagination fatiguée redescend enfin sur la terre comme un fleuve qui, par une cascade magnifique, épanche ses flots d'or à l'aspect d'un couchant radieux. On passe alors de la grandeur à la douceur des images. Sous l'ombrage des forêts, on parcourt l'empire de l'ange de la solitude. On retrouve, dans la clarté de la lune, le génie des rêveries du cœur. On entend ses soupirs dans le frémissement des bois et dans les plaintes de Philomèle. Les roses de l'aurore ne sont que la chevelure de l'ange du matin. L'ange de la nuit repose au milieu des cieux, où il ressemble à la lune endormie sur un nuage. Ses yeux sont couverts d'un bandeau d'étoiles. Ses talons et son front sont un peu rougis de la pourpre de l'aurore et de celle du crépuscule. L'ange du silence le précède, et celui du mystère le suit. Ne faisons pas l'injure au poète de penser qu'il regarde l'ange des mers, l'ange des tempêtes, l'ange du temps, l'ange de la mort, comme des génies désagréables aux muses. C'est l'ange des saintes amours qui donne aux vierges un regard céleste, et c'est l'ange des harmonies qui leur fait présent des grâces. L'honnête homme doit son cœur à l'ange de la vertu, et ses lèvres à celui de la persuasion. Rien n'empêche d'accorder à ces esprits bienfaisants des marques distinctives de leurs pouvoirs et de leurs offices. L'ange de l'amitié, par exemple, pourrait porter une écharpe merveilleuse où l'on verrait fondues, par un travail divin, les consolations de l'âme, les dévouements sublimes, les paroles secrètes du cœur, les joies innocentes, les chastes embrassements, la religion, le charme des tombeaux et l'immortelle espérance.